de cesser nos chamailles. Viens, allons trinquer pour nos retrouvailles. Gin, gin, gin, gin. Bang, bang, gling, gling. Quoi de plus beau que le son du cristal? Quand je l'entends teinter, moi ça m'emballe. Gin, gin, gin, gin. Bang, bang, gling, gling. Santé de l'arbre sans lumière, à la santé de toutes nos chimères, je dis chin, chin, chin, chin. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Oh là là, quelle journée. Oh oui, alors, quelle journée. Oh oui. Mais c'est qu'il est drôlement tard. Ça, c'est bien dit. Allez, Pivert, au dodo. Ah oui, alors, allons-nous coucher. Bonsoir, messieurs Pivert. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, sa perlipopette. Bonsoir, mon lapin. Bonne nuit. Et surtout, fais de beaux rêves.